Dans mon secteur, gros, ça écoute tout. Y'a des braves, des traîtres et des poupous. Elle aime les pigeons et les toutous. Y'a par lui, elle se rend tout dans la foufoune. J'suis le sang de la veine, j'suis ton chouchou. Mais j't'ai plus vu quand c'était trop chaud. Envoie la plaquette, les petits découpent tout. Ça me demande des photos, ça gratte des poupous. T'es trop en buvette et tu la cambou. Elle a pas faim, tu vas faire un cambu. Pour toi, pourquoi tu me lâches pour du bambou? À t'écouter, tu niques tout le monde de toi, t'es Rambo. À ce qui paraît, tu tout pour avoir des infos. On va détourner ta gueule à rendre l'info. Et sortir les pecs, poto, c'est bien beau. Si sur le machin, tu danses le mambo. T'es tout speed, poto, t'as abusé sur la CC. Tu me fais la timide, mais t'aimes les PC. Sous la cagoule, c'est dur, alors écoute, couche. Un showcase pour être devant, ça se met des coups de coude. Quand demain, je prends une frappe et je les nique tous. Et quand je bosse, ils dansent bien. Mousse, pas du SV dans le gamin, son mille Bluetooth. Je passe en zone dans Marseille, je les emboute tous. Au début, c'est wesh, la mise, je te fais coucou. Après, je te mets une disquette pour te mettre mon coucou. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est dur, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. Ici, je suis sombre, on fait jamais la fête. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est dur, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. En faisant trop le voileuse. Mais qu'est-ce qui lui arrive de mes flou-flous? Sorcellerie dans le couscous. Et c'est mort au quartier, y'a plus des gains. Ils ont regardé Toto, ils sortent les guns. Moi je vais me tailler, c'est chaud Benaki. Je vais vite sous le soleil ou dans le maquis. La jalousie rend fou beaucoup trait. Alors un showcase, il pleut des bouteilles. C'est foutu si tu veux me voir couler. Tous la famille, on va se cagouler. On m'a dit qu'est-ce t'attends pour les trouer. Je réponds y'a déjà trop de frères écroués. J'aime la vitesse et les gros culs. Les blondes, les brunes avec les gros culs. Disque d'or en trois jours, je réalise pas. Je crois pas que les maisons de disques qui kiffent ça. Et sors de la grippe à ta blonde. Tu vas m'énerver à la longue. Y'a des mecs bizarres dans la zone. Même plus un coup de téléphone. C'est trop TB là que ça se paquette. Y'a personne qui aurait pu faire le Clark Kent. Je réponds pas quand les médias à Marseille. Je dédicace tous les charbons de Marseille en sorceur. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est Jules, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. Ici, c'est sombre, on fait jamais la fête. J'écris tout ce qui passe dans ma tête. C'est Jules, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. Je traverse en faisant trop le voileuse. Passe dans ma tête, c'est Jul, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. Ici, c'est sombre, on fait jamais la fête. J'écris tout ce qui passe dans ma tête, c'est Jul, je représente ma tête. Et sans toi, là, je te sens pas à l'aise. Je traverse en faisant trop.